ma bitch. Tu peux te brosser ma pite. Traîne au rez-de-chaussée, c'est le zoo. On veut pas accrocher. Ici la liberté, c'est notre maître grossier. Eh, hey, mama, tu m'as pas conté d'histoire. Ouais, ça danse. Dans les ténèbres pour la victoire. Ouais, je te plais, laisse te plaît. Tu veux connaître mon cœur, mais y'a des drôles, te plaît. DDD, tant de cicatrices font fuir ta DDD. DDD, quand j'ai tenu la tour, tout comme DDD. Pas de passe, faut que je marque un rentrant au corner. Tu t'es, je te pèse ton père, ta mère, ta grand-mère. Funga, Mougli, ennemi, Rabba, je t'oublie. Mon Dieu, je vous aime, je peux pas frimer. Je pêche les sangeons, j'ai tout filmé. Chacun son taf, cherche le soleil, je suis sur ses traces. Je rêve de gros chèques de cette tasse. Regarde dans le ciel, corbeau qui passe. Goose, une drôle de gueule, goose. Chante la jeune gueule, fou. Elle a depuis petit peu tout. Dans liquide, y'a pas de rib. Ok, money, j'arrive, je prends le Mont Chico et tout ce qu'il y a dedans. Ego, cette race me fait du charme. L'obscurité me fait du charme. En bas, ouais, j'compte plus la galère. Là, j'suis d'humeur lunaire, j'papote avec mon terre. Au fait, j'ai des chromes dans la ville. On place la famille et on kill. Me demande pas combien j'ai dosé. La hesse me crève en litre, on trou dans la recette. Wesh, wesh, Mani, wesh, Mougli, wesh, Simba. Fami Gucci, Fami Gucci, c'est ce qui me va. Wesh m'écart, wesh m'écart, wesh tombe. Wesh m'écart, wesh m'écart, wesh tombe. Que ce qu'on sort les lèvres, plus on vend, plus on s'élève. Mon produit dans la reçoit, je recharge les anges, je déçois. Je déçois. Je déçois. Wesh les mecs, c'est quand qu'on s'arrête. J'ouvre un terrain sur la planète Namek. On va salir, on va peut-être pas se laver. Jamais prier pour briller, ni pour me gaver. Wesh mon ami, j'roule et j'gravite. Jamais un habile. On va s'amuser. Mais pas maintenant. Quelques billets, quelques battements. Dans la soucoupe. Grand frère dans la soucoupe. Petit frère dans la soucoupe. Grand frère dans la soucoupe. Petit frère dans la soucoupe. 60 litrons dans la soucoupe. 60 litrons dans la soucoupe. Dans la soucoupe. Dans la soucoupe.